Philip Murray l'a parfaitement exprimé dans son essai « Après l'histoire, tome 1 » en nous aidant à saisir l'importance de cette transition capitale. Ainsi, si on suit aux hypothèses de Murray, l'ouragan de l'indifférenciation parcourt à une cadence de plus en plus rapide tous les domaines d'activité humaine. Et comme cet ouragan propage une doctrine de néant ou d'acceptation de ce qui est, il est irréfutable. À la lecture, il décourage toute pensée critique et il est la fin. Nous avons perdu le fil de l'histoire et alors que cet intermède se mettait à disloquer nos repères anthropologiques et culturels, nous avons perdu le fil de l'histoire prisonnier d'une société de loisirs idéalisée et facile. Nous devions redoubler d'efforts dans un contexte où notre pouvoir d'achat s'est mis à fondre comme neige au soleil au tournant des années 1981. La société de loisirs et ses promesses hédonistes n'ont pas été capables de résister à l'épreuve du réel. Des plaisanciers stupéfaits exposés à la musique psychédélique des années 60, nous sommes devenus des forçats au fur et à mesure que les grands régisseurs de la société spectaculaire se mettaient à resserrer les écrous. Pris en serre entre nos désirs de pacotille et cet imprévisible retour du bâton, nous étions enfin prêts à céder à la dictature du consentement et du consentement du nouveau millénaire. Interloqués, plusieurs se sentent pris de court par une pandémie qui met la table pour la confiscation des libertés civiles dans leur plus simple appareil. Profitant de cette catastrophe providentielle, la classe politique vient de décréter l'état d'urgence en Occident. L'état policier se met en place. Ainsi, les citoyens sont assignés à résidence et l'appareil de répression policière est désormais en mesure d'arrêter quiconque s'aviserait de sortir des clous. Les journalistes, scipendiés par les oligarques, à l'instar d'un chroniqueur bien connu du Journal de Montréal, Pérore que seuls les professionnels de l'information sont en mesure de traiter l'affaire. Certains vont jusqu'à prôner une interdiction en bonne et due forme des médias alternatifs. Cette situation d'urgence, qui permet à nos gouvernements de mettre en application des lois d'exception, telles que le Patriot Act aux États-Unis, nous rappelle l'époque des préparatifs de la Seconde Guerre mondiale. En outre, par-delà les mesures habituelles de type couvre-feu ou de rationnement des denrées alimentaires, la liberté de parole tombait sous le coup de la censure. L'intérêt général soumis à des intérêts particuliers. De fil en aiguille, c'est le libre arbitre qui se retrouve à être criminalisé et la raison d'État, en guillemets, s'impose bien au-delà de la doxa habituelle. Chez nous, au Québec, les autorités compétentes ont pris les devants afin de relayer servilement toutes les recommandations et résolutions de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, la chloroquine n'est toujours pas autorisée comme substance utilisée pour les traitements d'urgence et les statistiques liées aux causes de mortalité par le coronavirus sont scandaleusement dopées selon les méthodes de calcul prônées par ce même organisme globaliste. Pas surprenant que Bill Gates, un spéculateur qui mise beaucoup sur le marché des vaccins, a construit des fortunes afin de renflouer les coffres de l'Organisation mondiale de la santé qui devra bientôt se passer du financement américain. Le virus de la peur inoculée. Les protocoles de dépistage, de traitement du coronavirus n'étant toujours pas disponibles en temps réel, un nombre incroyable de nos compatriotes fait de sévères crises d'anxiété en raison de la multiplication des grippes et des rhumes de fin d'hiver. Prostrés devant leur écran d'ordinateur, meurtris par une solitude qu'ils n'ont jamais eu la chance d'apprivoiser, les kidames sortent par beau temps afin de se dégourdir les muscles. Toutefois, il faut faire gaffe aux solides gaillards qui se ruent sur votre chemin en affectant de faire du jogging et qui n'hésiteront pas à vous casser la gueule si vous ne dégagez pas prestement. D'autres néo-citoyens sont tentés de jouer les mouchards si, d'office, quelqu'un s'avisait de contourner les consignes se rapportant au fil d'attente devant les quelques échoppes toujours ouverts en semaine. Fin du libre arbitre. La tension est palpable. Il devient de plus en plus malaisé, voire risqué, de s'aventurer à critiquer le plan d'action de nos gouvernements ou les tenants et aboutissants de cette crise gonflée à bloc. S'il y a quelques semaines, les gens vous traitaient d'esprit chagrin lorsque vous osiez un bémol, vous êtes désormais un délinquant si vous persistez à remettre en cause une pandémie qui ressemble fortement à un coup d'État socio-économique. Une amie proche, avec qui nous divisions sur la situation, s'est brusquement cabrée au téléphone et nous a signifié vouloir changer de sujet. Nous avions osé contester les chiffres des grands médias concernant les taux de mortalité causés par le coronavirus. Ainsi, nous avons poussé le culot jusqu'à insinuer que les chiffres pourraient être indûment gonflés au vu de la méthode mise de l'avant par nos mondialistes aux manettes. Questionnée par une journaliste aux ordres lors d'un point de presse quotidien, l'expert mandaté par l'Organisation mondiale de la santé auprès du premier ministre québécois a admis que la méthodologie du décompte des cas de mortalité due au COVID-19 pouvait être sujette à caution. En effet, tous ces technocrates de la santé jonglent allègrement avec les statistiques puisque l'Organisation mondiale de la santé leur a enjoint de gonfler les chiffres afin que les contribuables en prennent pour leur rhume. Une de ces méthodes de calcul ne tient pas compte de la cause réelle de votre décès. Si, d'office, un de vos proches était porteur du coronavirus alors qu'il vous soutenait dans vos derniers moments de vie, même si vous n'étiez pas porteur du virus, vous êtes décédé et que vous êtes décédé d'un cancer foudroyant, on ne prendra en compte que le seul facteur de ce proche contaminé. Tout le reste est à l'avenant et plusieurs autorités sanitaires nationales sont obligées de l'admettre qu'elles ont gonflé les chiffres indûment, contribuant à jeter de l'huile sur le feu de la panique générale. La stratégie du choc. Poussant le culot jusqu'à faire planer le doute sur la clôture de cette période de confinement, nos technocrates de service admettent que cette crise risque d'impacter durablement une économie déjà mise à mal par les déboires des prédateurs financiers qui ont confisqué les marchés depuis trop longtemps. Comble de l'aberration, certaines sources d'information proches des marchés financiers ont laissé fuiter la nouvelle selon laquelle une poignée de multinationales serait sur le point de racheter une myriade de moyennes entreprises mises en faillite. Peu nous importe que ces requins soient actifs sur le sol américain ou chinois. L'essentiel étant de réaliser que des entreprises telles qu'Amazon en profitent pour mettre la main sur la quasi-totalité du marché de la distribution et du détail de commerce. De fil en aiguille, une poignée de grands producteurs, transformateurs et distributeurs pourraient mettre la main sur l'ensemble du marché de l'alimentation. Tout ce processus de paupérisation accéléré se fera en sorte de casser les reins d'une agriculture qui est déjà depuis plusieurs décennies à bout de souffle. La chaîne de production et de distribution brisée de manière irrémédiable, les géants de la finance et leurs alliés seront en mesure de monopoliser sans coup flétrir le marché de l'alimentation au grand complet. Idem pour l'ensemble des biens de commodité et des services essentiels qui risquent d'être presque entièrement privatisés. C'est sans surprise que nous assistons à la consécration universelle du célèbre ouvrage de la Canadienne Naomi Klein. Cette dernière, dans « La stratégie du choc », nous avait déjà prévenu que les oligarques utilisent depuis belle lurette des situations de crise naturelles ou provoquées afin de pouvoir disloquer la cohésion sociale des populations visées. Ainsi, une guerre, un coup d'État ou une catastrophe naturelle représente une occasion en or pour instituer des mesures d'exception qui permettront de terroriser la population en la soumettant à un régime policier. Les théoriciens de l'école de Chicago auront profité du coup d'État mené sous le régime de Salvador Allende au Chili en 1973 mettent en branle un banc d'essai à grande échelle permettant d'instaurer un néolibéralisme de type nouveau. Il s'agissait donc de privatiser des secteurs entiers de l'économie domestique, de monopoliser les réserves de cuir nationales au profit d'une poignée de multinationales et d'affaiblir les pouvoirs régaliens d'un État devenu croupion. C'est précisément ce qui nous attend au tournant si nous continuons à nous soumettre au chant des sirènes de nos grands médias stipendiés. Sortir de notre torpeur. Aurons-nous le courage de réclamer des référendums d'initiatives populaires afin que le peuple puisse se prononcer pour la suite des choses une fois la quarantaine levée, au lieu de confiner le gros de la population dans l'éventualité d'une prochaine crise sanitaire? Pourquoi ne pas reprendre le contrôle de nos frontières en régularisant le flux des populations migrantes qui représentent une véritable pandémie en soi? L'État dispose-t-il des dispositifs de dépistage et de traitement nécessaires à l'avenir? Et par voie de conséquence, il faudra bien remettre sur les rails les maillons essentiels de nos économies domestiques mises à mal par des décennies de néolibéralisme à outrance. L'État devra reprendre la main sur ses prérogatives régaliennes et pourrait même songer à nationaliser sa banque centrale, histoire de pouvoir battre monnaie et de s'octroyer des prêts à taux réduits. La planche à billets s'étant mise à produire de l'argent ex nihilo, il faudra bien rembourser aux banques d'affaires. Les mesures consenties pour remettre l'économie à flot risquent de contribuer à endetter les générations futures ad vitam aeternam. L'État devrait normalement représenter une nation qui est la somme du peuple. Il est grand temps que la nation reprenne le contrôle de sa monnaie. Ce n'est qu'au prix d'une souveraineté retrouvée que nous pourrions tisser des liens équitables entre nations et qu'une économie durable pourra voir le jour. Il y va de notre survie immédiate et d'une qualité de vie qui devait être plus qu'un vœu pieux. Mon second article s'intitule « Passeport pour un monde nouveau et courageux ». Deux petits points. Le vaccin. Ça a été écrit le 14 avril par John Rappaport. Si vous ne saviez pas ce qu'est la liberté, mieux vaut la découvrir maintenant. J'ai déjà écrit sur la réinitiation de l'abonné et d'autres caractéristiques d'un avenir technocrate qui attend dans les coulisses. Nouveau niveau de surveillance visible, score de crédit social, revenu universel garanti, Internet des objets, quota de consommation d'énergie, ville intelligente. Les événements peuvent se déplacer dans plusieurs directions à l'avenir. Dans cet article, j'explore l'une de ces deux directions. L'occasion est cette fausse pandémie, le gros marteau est le vaccin contre le faux COVID. Comme Fauci l'a mentionné il y a quelques mois, il pourrait s'agir d'un vaccin à ADN, une nouvelle technologie, ce qui signifie qu'il s'agit vraiment d'une thérapie génétique. Des gènes synthétisés sont injectés dans le corps. Ils sont prétendument mis en place l'immunité. En fait, ils modifient de façon permanente la constitution génétique du receveur. Comme vous pouvez l'imaginer, cela créera l'opportunité de mettre de nouveaux gènes différents chez l'homme pour essayer d'inventer des nouveaux humains. Nouveaux humains, entre guillemets. Les soi-disant certificats d'immunité dont parle Fauci, ils seraient délivrés aux personnes testées positives aux nouveaux tests de détection des anticorps anti-COVID-19, ce qui est un revirement intéressant, car depuis 1984, les résultats positifs des tests sont généralement considérés comme infectés. Pourquoi ce changement? Parce qu'il y a un besoin pour ces certificats d'immunité en tant qu'intro pour conditionner la population à une idée. Et si et quand le vaccin COVID arrive, les certificats seront utilisés pour signifier l'immunité pour tous ceux qui prennent le vaccin. Cela fonctionnera comme une licence. Votre passeport dans le Brave New World. Vous êtes immunisé? Vous êtes donc autorisé à sortir du monde de la peur et de circuler et de voyager entre les écoles, etc. Pour les vaccins à ADN, la référence est le New York Times. Du 15e mars 2015. Protection without a vaccine. Il est décrit la frontière de la recherche. Voici des citations clés qui illustrent l'utilisation des gènes synthétiques pour se protéger contre la maladie, tout en changeant la constitution génétique des humains. Ce n'est pas de la science-fiction. En livrant des gènes synthétiques dans les muscles des singes expérimentaux, les scientifiques réorganisent essentiellement les animaux pour résister aux maladies. Le ciel est la limite, a déclaré Michael Farzan, immunologue à Scripps et auteur principal de la nouvelle étude. Le premier essai humain basé sur cette stratégie, appelé immunoprophylaxie par un transfert de gènes ou IGT, est en cours et plusieurs nouveaux sont prévus. C'était il y a 5 ans. L'IGT est tout à fait différent de la vaccination traditionnelle. Il s'agit plutôt d'une forme de thérapie génétique. Les scientifiques isolent les gènes qui produisent les anticorps puissants contre certaines maladies, puis synthétisent des versions artificielles. Les gènes sont placés dans des virus injectés dans des tissus humains, généralement des muscles. Voici le punchline. Les virus envahissent les cellules humaines avec leur charge utile d'ADN et le gène synthétique est incorporé à l'ADN du destinataire. Si tout se passe bien, les nouveaux gènes demandent aux cellules de commencer à fabriquer des anticorps puissants. Lisez à nouveau. Le gène synthétique est incorporé dans le propre ADN du destinataire. Ça veut dire altération de la constitution génétique humaine. Pas seulement une visite, résidence permanente. L'article du Time fait appel au docteur David Baltimore pour obtenir un avis. Pourtant, le docteur Baltimore dit qu'il envisage que certaines personnes pourraient se méfier d'une stratégie de vaccination qui signifie modifier leur propre ADN, même si cela empêche une maladie potentiellement mortelle. Oui, certaines personnes peuvent être méfiantes s'ils ont 2 ou 3 cellules cérébrales fonctionnelles, car c'est la roulette génétique avec un pistolet chargé. Les autres implications sont claires. Les vaccins ne peuvent être utilisés comme couverture pour les injections de tous les gènes dont le but réel n'est pas annoncé. Les maîtres des vaccins ont un problème. Ils savent que leur technologie génétique est loin d'être parfaite. Les plans pour réorganiser la race humaine ne sont pas un simple 2-3. Par exemple, considérons l'outil génétique le plus récent et le plus efficace appelé, CRISPR. Voici un document d'information que j'ai écrit il y a 1 an. Cette nouvelle édition des gènes CRISP, l'édition des gènes CRISP prend d'assaut la recherche biomédicale. Fournissant la boîte à outils ultime pour la manipulation génétique, de nombreuses nouvelles applications pour cette technologie sont actuellement étudiées et établies. Des systèmes CRISPR fournissent déjà des modèles génétiques supérieurs pour la recherche fondamentale sur les maladies, le dépistage de médicaments et le développement de thérapies. Des diagnostics rapides, la modification et la correction in vivo des conditions héréditaires et maintenant les premiers essais cliniques CRISP humains. Cela s'appelle CRISP, une technique beaucoup plus rapide, plus précise, moins chère pour éditer des gènes. Les chercheurs en sont amoureux. Vous pouvez trouver des centaines d'articles et d'études sur l'innovation sur phys.org. Cependant, nous avons ceci. Note d'avertissement. Une nouvelle étude publiée dans Nature Methods a découvert que la technologie d'édition de gènes peut introduire des centaines de mutations involontaires dans le génome. Oups! Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont séquencé un génome entier de souris qui avait subi une modification du gène CRISP dans l'étude précédente de l'équipe et ont recherché toutes les mutations, y compris celles qui ne modifiaient qu'un seul nucléotide. Ces chercheurs ont déterminé que CRISP avait réussi à corriger un gène qui cause la cécité. Mais Kelly Shepherd, doctorante au laboratoire Vinit Mayam, MD et physicien, professeur agréé d'ophtalmologie à l'Université de Stanford et co-auteur de l'étude, a découvert que les génomes de deux receveurs indépendants de thérapie génétique des souris ont obtenu plus de 1500 mutations mononucléotiques et plus de 1000 suppressions et insertions de gènes plus grandes. Aucune de ces mutations de l'ADN n'a été prédite par les algorithmes informatiques qui sont largement utilisés par les chercheurs pour rechercher des effets hors cible. Les chercheurs qui n'utilisent pas le séquençage du génome entier pour trouver les effets hors cible peuvent manquer des mutations potentiellement importantes, explique le Dr. Tsan. Même un seul changement de nucléotide peut avoir un impact énorme. La roulette génétique est bien vivante. Faites tourner la roue. Voyez quels chiffres viennent. Bon effet, bons effets, mauvais effets, qui sait? Faites un pas en avant et tentez votre chance. Bien sûr, les chercheurs qui admettent ces énormes problèmes restent optimistes. Ils ont hâte de raffiner la méthode. C'est une couverture pour « nous savons vraiment pas ce que nous faisons en ce moment ». Malheureusement, une grande partie de la science fonctionne de cette façon. Lancer une nouvelle technologie et fermer les yeux sur les conséquences. Par exemple, placer du mercure, une neurotoxine dévastatrice, dans les vaccins. Quel mal pourrait-il en résulter à part la destruction du cerveau des enfants? Voici plus de relations publiques jaillissantes, autrement connues comme jeter des trucs au mur et voir ce qui colle. Il y a des communiqués de presse hebdomadaires et des mises à jour sur de nouvelles avancées dans CRISP et les découvertes rendues possibles avec cette technologie. La première preuve émerge maintenant que CRISP CAS9 pourrait fournir des remèdes à des maladies majeures, y compris les cancers, les virus humains dévastateurs tels que le VIH. Le train a quitté la gare, et juste au cas où vous pensiez que seuls les phares les plus prudents et les plus compétents de la communauté de la recherche génétique seraient autorisés à se rendre à moins d'un kilomètre de CRISP, voici plus de technologies. Les systèmes et les outils de la méthodologie de base de CRISP CAS9 sont très accessibles en tant que kit d'outils prêts à l'emploi que toute personne disposant d'un espace laboratoire et d'une idée peut prendre et commencer à travailler. En réponse à un besoin croissant, des entreprises telles que Desktop Genetics ont développé un accès ouvert logiciel pour accélérer l'expérimentation de CRISP. C'est bon à savoir. N'importe qui, avec un espace laboratoire et une idée, peut monter à bord et s'y mettre. Faites votre propre croisement des phares enceintes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Rien à voir ici. Continuez et vous avez résumé la situation. Ils disent qu'ils ont guéri mon anémie. Maintenant, je deviens vert et violette et je continue de tomber. Si tout cela ne suffit pas pour vous faire voir les dangers de Chris, pensez à cette déclaration sur l'ingénierie des cellules immunitaires humaines, les cellules T, d'une manière plus sûre. L'expérience ne modifierait les cellules T du système immunitaire qu'après leur retrait d'un patient. Cela donne aux scientifiques la possibilité de cribler les cellules CRISP pour s'assurer que seuls les 3 gènes prévus, tous impliqués dans la recherche et la destruction des cellules tumérales, sont altérés. Mais après que ces cellules T sont réinjectées à un patient pour combattre le mélanome, le sarcome ou le myélome, le système CRISP peut continuer à modifier l'ADN et suivre de telles modifications devient comme suivre un ours polaire dans une tempête de neige. Pas très réconfortant. Une fois mis en mouvement, même dans les conditions les plus protégées et les plus limitées, CRISP peut continuer à fonctionner, brouillant les gènes de manière inconnue. Donc, en ce qui concerne les vaccins à ADN, alias la thérapie génétique, un plan pour réorganiser précisément les humains pourrait très facilement sombrer dans un chaos incontrôlé. Les contrôleurs et les bailleurs de fonds d'élite du vaccin le savent. Que faire? Avec la population mondiale comme cobaye, il commencerait peut-être petit. Introduisez la moindre altération génétique possible, prenez du recul et voyez ce qui se passe. Essayez un gène qui, normalement, nous l'espérons, n'atteindra presque rien. Essayez de mesurer les résultats. Vu sous un angle, toute la fausse épidémie est une configuration pour un vaccin et pour les vaccins obligatoires. J'ai écrit sur l'exemption spéciale de responsabilité récemment émise par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Fondamentalement, toute personne associée à des stratégies pharmaceutiques entreprises contre le coronavirus ne peut être poursuivie, quels que soient les effets indésirables des médicaments ou des vaccins. Prendre position contre les vaccins obligatoires, tous les vaccins, est plus important que jamais. L'article suivant. Le monde selon la Fondation Gates. Ça a été écrit par Bill Wyllers. Voici une citation de Bill Gates. Pour le monde dans son ensemble, la normalité ne revient que lorsque nous avons largement vacciné l'ensemble de la population mondiale. Voici une autre citation de Knut Witkowski. Je pense que les gens aux États-Unis et peut-être d'autres pays aussi sont plus dociles qu'ils ne devraient l'être. Ernest Wolff, un journaliste allemand qui suit la finance internationale et ses ramifications, dans une interview du 20 mars 2020, a expliqué que le financement et le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé ont commencé un changement dans les années 70 États-nations à l'industrie pharmaceutique et aux fondations privées. Avec le temps, un soutien important est venu de la Fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui, le pouvoir de Bill Gates au sein de l'Organisation mondiale de la santé est inégalé, lui ayant donné un statut proche de celui d'un chef d'État, non seulement à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi au G20. C'est la Fondation Gates, en collaboration avec le Forum économique mondial, qui a accueilli l'exercice de pandémie Event 201 4 mois avant la décision de verrouillage du COVID-19. La Fondation Gates est également un investisseur et partenaire dans la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, dont la mission déclarée est de stimuler et accélérer le développement des vaccins. En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, les voix des épidémiologistes dissidents de réputation irréprochable sont écartées des médias grand public. En particulier, une interview du 8 avril de Knut Witkowski, épidémiologiste de 35 ans d'expérience dans l'étude des pandémies, est une éducation en soi. Alors, les intervieweurs lui rappellent que son point de vue sur la pandémie et le verrouillage est en opposition absolue avec le gouvernement. Il répond, sa colère à peine contenue, « Je ne suis pas payé par le gouvernement, j'ai donc le droit de faire de la science, ce qui implique la prostitution intellectuelle parmi ceux qui élaborent le récit officiel. » Son message de base est que cette pandémie est comme chaque pandémie de grippe annuelle. Si elle était autorisée à suivre son cours, il y aura une période de plusieurs semaines au cours de laquelle l'immunité collective serait établie, après quoi la pandémie s'éteindrait. Les personnes âgées et les infirmes seraient protégées contre tout contact, mais uniquement pendant cette période. Il explique exactement pourquoi le confinement dans lequel les rassemblements de personnes ne sont pas autorisés est une forme d'assignation à résidence en masse et qualifiée d'auto-isolement, est une stratégie nuisible selon les principes épidémiologiques. Vers la fin de l'interview, son commentaire introductif est suivi de « Si les gens ne se battent pas pour leurs droits seront vite oubliés ». Et puis, amèrement, comme un commentaire d'adieu sur la capacité de l'administration à étouffer les opinions indésirables, c'est une lutte pour se faire entendre. Anthony Fauci et Deborah Birx, les deux experts du NHI qui ont convaincu le président Trump de verrouiller l'économie, sont les visages de la réponse au COVID-19 présentée au public par les médias. Tous deux ont des liens étroits avec la Fondation Gates. Briggs a admis à la caméra que les personnes de tout âge décédées de quelque cause que ce soit, si elles étaient également positives pour le COVID-19, sont comptées comme des décès de COVID-19. Il n'est pas nécessaire d'avoir une solide expérience en statistique pour voir que les données officielles sur la mortalité produite à partir d'une telle politique déformerait la vérité concernant la virulence de la grippe en cette saison connue sous le nom de COVID-19. Il est étonnant qu'elle fasse un tel aveu. Dans une interview de Bill Gates, dans laquelle Gates révèle plus que ce qu'il n'aurait pu imaginer, considérez ce commentaire de Gates dans l'interview. C'est que le COVID-19 est assez contagieux. Beaucoup plus contagieux que le MERS, M-E-R-S, ou le STRAS, S-R-A-S. Ce n'est pas aussi fatal qu'il l'était. Rien de tel n'est jamais arrivé à l'économie de notre vivant. Mais l'argent, vous savez, ramener l'économie et faire de l'argent, ce n'est plus une chose réversible que de ramener les gens à la vie. Nous allons donc prendre la douleur dans la dimension économique, une douleur énorme, afin de minimiser la douleur dans les... les dimensions de la maladie et de la mort. Gates ment. Son beaucoup plus contagieux que les autres flux est contré par l'épidémiologiste Witkowski, qui soutient qu'il n'y a aucune preuve d'une telle déclaration. Quoi qu'il en soit, plus contagieux signifie seulement plus transmissible, ce qui ne dit rien sur les symptômes de la maladie. Ce qui est essentiel ici, c'est l'admission de Gates que le COVID-19 n'est pas aussi fatal, c'est-à-dire pas aussi virulent que d'autres virus de l'histoire récente. Néanmoins, en utilisant l'influence mondiale de sa fortune massive à acheter pour lui et sa fondation, il préconise la fermeture d'une économie pour ce qui n'est apparemment qu'une mauvaise saison de la grippe. Dans la même interview, Gates révèle une stratégie qui refroidit le sang d'un penseur critique. Finalement, ce que nous devrons avoir, c'est des certificats certificat indiquant qui est une personne récupérée, qui est une personne vaccinée, parce que vous ne voulez pas que les gens se déplacent dans le monde où vous avez des pays qui n'auront pas de contrôle, malheureusement. Ce qu'il a entendu par certificat est clairement illustré par le fait que sa fondation finance une recherche au Massachusetts Institute of Technology pour le développement d'un tattoo ID à injecter dans les vaccinations. Il s'agit d'un bel exemple d'universitaire se prostituant au pouvoir et à la richesse, car toute personne suffisamment intelligente pour franchir la porte du MIT comprendrait immédiatement le potentiel insidieux d'un tel marqueur. Ceux qui ont soutenu que dans un monde où l'argent liquide n'est plus disponible, la carte de crédit serait la puce parfaite, avec laquelle une autorité totalitaire pourrait exercer un contrôle sur l'humanité. Le marqueur de tatouage est même un pas au-delà, et au fur et à mesure que la technologie progresse, bien plus qu'un historique de vaccination pourrait être inclus, pratiquement sur toute la personne. Et d'après les préoccupations de Gates concernant les voyages parmi les personnes non vaccinées, on peut envisager les antécédents de vaccination comme un moyen de contrôler les humains en mobilité. Et comme ces démarqueurs seraient insérés en même temps que son vaccin annuel contre la grippe, l'individu ne serait pas au courant d'avoir reçu une marque invisible à l'œil nu, mais lue de manière anonyme par des fonctionnaires dotés d'un bon équipement. Bill Gates, un homme d'affaires de 100 milliards axé sur sa mission de vacciner l'humanité dans un système de pleine conformité, a versé des centaines de millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé, qui est désormais largement un outil du lobby des vaccins, où sa stratégie domine. L'entretien du 8 avril de Gates, dont la citation introductive ci-dessus a été tirée, n'est pas édité, mais d'après le mot résultat, on voit son plaidoyer pour aplatir la courbe, pour contrer les épidémiologistes comme Witkowski, l'accélération de la fabrication du vaccin. Milliards de doses, investissements judicieux, toutes les deux entre guillemets. Les fortunes à se faire dans la fabrication de vaccins à l'échelle qu'ils proposent sont immenses et presque au-delà de l'imagination, et ceci pour une industrie qui jouit d'un niveau de protection juridique unique. Il a manœuvré lui-même et sa fondation pour devenir un leader mondial en matière de politique concernant les pandémies virales. Le monde a été verrouillé en grande partie parce qu'il le voulait. Et le résultat est une population mondiale cultivée pour accepter un futur de rapport de nouveaux virus mortels nécessitant des milliards de doses de nouveaux vaccins. L'homme veut gouverner le monde. Reste à savoir si le monde le laissera faire. L'article suivant. Les faits observés sur le coronavirus. L'auteur est l'Italien Fluvio Grimaldi, né en 1934. Il explique que les mesures étatiques actuellement mises en œuvre en Italie sont pires que sous le fascisme. Le Parlement et la société ont été complètement démunis de leur pouvoir. Des faits entièrement référencés sur le COVID-19 fournis par des experts en la matière pour aider nos lecteurs à faire une évaluation réaliste des risques. La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté, disait Albert Camus en 1947. Selon les informations de l'Institut national italien de la santé, l'âge moyen des morts en Italie testés positifs au COVID-19 est actuellement autour de 81 ans. 15% des personnes décédées ont plus de 90 ans. 90% des personnes décédées ont plus de 70 ans. 80% des personnes décédées avaient au moins deux problèmes de santé chroniques. 50% des personnes décédées avaient au moins trois problèmes de santé chroniques. Les maladies chroniques antérieures comprennent les problèmes cardiovasculaires, le diabète, les problèmes respiratoires et le cancer. Moins de 1% des personnes décédées étaient des personnes en bonne santé, c'est-à-dire des personnes sans maladie chronique antérieure. Seulement 25% des personnes décédées sont des femmes. L'Institut italien de la santé distingue aussi entre mort par et mort avec le coronavirus. Dans de nombreux cas, il n'était pas encore clair si les personnes étaient décédées du virus ou de leur maladie chronique antérieure ou une combinaison de celles-ci. Deux Italiens décédés de moins de 40 ans, tous deux âgés de 39 ans, étaient cancéreux et diabétiques avec d'autres complications. Ici aussi, la cause exacte n'était pas claire, c'est-à-dire qu'elle était due au virus ou à des maladies antérieures. Les cliniques sont surchargées en raison de l'afflux général de patients et du nombre accru de patients nécessitant des soins spéciaux ou intensifs. L'accent est mis principalement sur la stabilisation de la fonction respiratoire et, dans les cas graves, sur des thérapies antivirales. Les aspects suivants doivent également être pris en compte. L'Italie du Nord possède l'une des populations les plus âgées et la qualité de l'air la plus mauvaise de l'Europe, ce qui a déjà entraîné une augmentation du nombre de maladies respiratoires et de décès associés dans le passé. Ce devrait être considéré comme un facteur de risque supplémentaire. La Corée du Sud, par exemple, a eu au cours beaucoup plus de doux que l'Italie a passé le pic de l'épidémie. Jusqu'à présent, seulement 70 décès avec un test positif se sont produits en Corée du Sud. Comme en Italie, il touche principalement les patients à haut risque. Les quelques 12 décès suisses testés à ce jour étaient également des patients à risque avec des maladies antérieures et l'âge moyen de 75 ans, dont la cause exacte du décès, qu'il s'agisse de virus ou de maladies précédentes, n'était pas encore connue. De plus, les études ont montré que les kits de tests de virus peuvent donner un résultat faussement positif dans certains cas. C'est-à-dire que les personnes n'auraient pas contacté le nouveau virus corona dans ce cas, mais peut-être l'un des précédents virus corona qui font partie du rhume et de la grippe annuelle actuellement en cours. Pour évaluer la dangerosité de la maladie, ce n'est donc pas le nombre de patients dont le test est positif, et les décès, souvent mentionnés dans les médias, qui sont décisifs, mais plutôt le nombre de personnes qui développent ou meurent inopinément d'une pneumonie. Pour l'ensemble de la population en bonne santé, à l'école et en âge de travailler, selon toutes les connaissances antérieures du COVID-19, une évolution sans symptômes, légère ou modérée, peut être attendue. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques existantes devraient bénéficier d'une protection spéciale. Les capacités médicales doivent être préparées de manière optimale. Le smog hivernal dans le nord de l'Italie en février 2020. Les valeurs de référence importantes sont le nombre de décès annuels dus à la grippe, qui peut atteindre 1 000 ensuite en Suisse, 8 000 en Italie, 10 000 en Allemagne, avec des pics pouvant atteindre 25 000. Le taux de mortalité globale normal, qui atteint jusqu'à 2 000 personnes par jour en Italie, et le nombre moyen de cas de pneumonie par an qui dépasse les 120 000 en Italie. Dans une interview de 40 minutes, le professeur d'épidémiologie de renommée internationale, Knut Witkowski, de New York, explique que les mesures prises sur le COVID-19 sont toutes contre-productives. Au lieu d'une distanciation sociale, de fermeture, de lockdown, de masques buccaux, de tests de masse, de vaccination, la vie doit se poursuivre sans être perturbée et l'immunité doit se construire dans la population le plus rapidement possible. D'après toutes les découvertes faites à ce jour, le COVID n'est pas plus dangereux que les précédentes épidémies de grippe. L'isolement actuel ne provoquerait pas une deuxième vague plus tard. Le British Medical Journal rapporte que selon les dernières données en provenance de Chine, 78% des nouveaux individus testés positifs ne présentaient aucun symptôme. Un épidémiologiste d'Oxford a déclaré que ces résultats sont très importants. Il a ajouté que si ces résultats sont représentatifs, alors nous devrions nous demander pourquoi nous nous enfermons. Le docteur Andrea Xu Ninchen, chef du département de médecine générale et familiale de l'Université de médecine de Vienne et président du réseau pour la médecine fondée sur les preuves, considère que les mesures imposées jusqu'à présent sont insensées. Pour l'État tout entier est paralysé juste pour protéger quelques personnes qu'il pourrait affecter. Dans un entretien avec le SWR allemand, il explique que la propagation du virus peut se faire de toute façon et ne peut être évité. Selon le Telegraph, en première mondiale, le gouvernement suédois a annoncé qu'il allait officiellement faire la distinction entre les décès par et les décès avec le coronavirus, ce qui devrait entraîner une réduction de décès déclarés. Entre-temps, pour une raison quelconque, la pression internationale sur la Suède pour qu'elle abandonne sa stratégie libérale ne cesse d'augmenter. L'autorité sanitaire de Hambourg fait désormais examiner les décès à test positif par la médecine légale afin de ne compter que les vrais décès par coronavirus. En conséquence, le nombre de décès a déjà été réduit de près de moitié par rapport aux chiffres officiels de l'Institut Robert Koch. Dès 2018, le Journal des médecins allemands a fait état d'une multitude de cas de pneumonie dans le nord de l'Italie, ce qui a inquiété les autorités. Alors, à l'époque, on soupçonnait que l'eau potable contaminée était l'une des causes. Le journal pharmaceutique allemand souligne que dans la situation actuelle, les patients tombent souvent gravement malades, voire meurent, sans avoir développé de symptômes respiratoires au préalable. Les neurologues soupçonnent à cet égard que le coronavirus pourrait également endommager les cellules nerveuses. Une autre explication, cependant, serait que ces patients ont souvent besoin de soins, meurent à cause d'un stress trop élevé. Les derniers chiffres en provenance de Suisse. Les symptômes les plus courants des patients testés positifs dans les hôpitaux sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, tandis que 43%, soit environ 900 personnes, souffrent de pneumonie. Toutefois, même dans ces cas, il n'est pas a priori possible de savoir si elles ont été causées par le coronavirus ou d'autres agents pathogènes. L'âge médian des personnes décédées positives au test est de 83 ans, la fourchette allant jusqu'à 101 ans. Le projet britannique In Proportion suit la mortalité avec le COVID-19 par rapport à la mortalité due à la grippe et à la mortalité de toutes causes confondues, qui, en Grande-Bretagne, se situe toujours dans la fourchette normale ou en dessous de ce qui est actuellement en baisse. Dans l'État américain de l'Indiana, les appels à la ligne d'assistance sur la santé mentale et le suicide ont augmenté de plus de 2000%, passant de 1000 à 25 000 appels par jour, en raison du confinement et de son impact économique. Le portail médical RISK souligne que divers médicaments peuvent augmenter le risque d'infection par les coronavirus jusqu'à 200% dans certains cas. Le journaliste britannique Peter Hitchens décrit dans un article « We love Big Brother » comment même des personnes auparavant critiques ont été infectées par la peur malgré le manque de preuves médicales. Dans une interview, il explique que la critique est un devoir moral car des droits fondamentaux sont menacés. l'historien allemand, René Schlotz, excusez, c'est en allemand, là, écrit à propos du rendez-vous avec l'État, écrit à propos « Rendez-vous avec l'État policier ». Acheter un livre, s'asseoir sur un banc de parc, se retrouver entre amis, c'est désormais interdit, contrôlé, dénoncé. Les garde-fous démocratiques semblent anéantis. Où et comment cela finira-t-il? Plusieurs cabinets d'avocats allemands préparent des procès contre les mesures et les règlements qui ont été émis. Un spécialiste du droit médical écrit dans un communiqué de presse. Les mesures prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder sont manifestement anticonstitutionnelles et violent une multitude de droits fondamentaux des citoyens en Allemagne dans une mesure sans précédent. Cela s'applique à toutes les réglementations appliquées pour le coronavirus des 16 États fédéraux. En particulier, ces mesures ne sont pas justifiées par la loi sur la protection contre les infections qui a été révisée en un rien de temps il y a quelques jours seulement. Car les chiffres et les statistiques disponibles montrent qu'une infection coronavirus est inoffensive pour plus de 95% de la population et ne représente donc pas un danger grave pour la population. L'alerte ouverte du professeur Sukarit Bagdi à la chancelière Angela Merkel est désormais disponible en allemand, anglais, français, espagnol, russe, turc, néerlandais et estonien et d'autres langues suivantes. Et d'autres langues suivront. Dans une interview, le lanceur d'alerte de la NSA, Edward Snowden, prévient que le COVID-19 est dangereuse mais temporaire à cause que alors que la destruction des droits fondamentaux est mortelle et permanente. Aux États-Unis, d'autres vidéos de citoyens journalistes montrent que dans les hôpitaux décrits par les médias états-uniens comme zone de guerre, le calme règne encore. En Autriche aussi, les morts par coronavirus sont apparemment définies très libéralement, comme le rapportent les médias. Est-ce que vous comptez aussi comme une mort par coronavirus si vous êtes infecté par un virus, mais que vous mourrez d'autre chose? Oui, disent Rudy Anne Schoeffer et Bernard Benka, membres de la Task Force Coronavirus au sein du ministère de la Santé. Il existe actuellement une règle claire. Mourir avec le coronavirus ou mourir du coronavirus compte toutes les deux dans les statistiques. Aucune différence n'est faite quant à la mesure réelle de la mort d'un patient. En d'autres termes, un homme de 90 ans qui meurt d'une fracture du col du fémur et est infecté par le coronavirus dans les heures précédant son décès est également considéré comme mort par le coronavirus. L'Institut allemand Robert Koch déconseille même désormais les autopsies de personnes décédées dont les tests sont positifs, car le risque d'infection par les gouttelettes d'aérosol serait trop élevé. Dans de nombreux cas, cela signifie que la cause du décès réel ne peut être déterminée. Un spécialiste en pathologie commente ce point comme suit. Qui pourrait penser du mal de cela? Jusqu'à présent, il n'était pas évident pour les pathologistes de pratiquer des autopsies avec des précautions de sécurité appropriées, même dans le cas de maladies infectieuses telles que le VIH-SIDA, l'hépatite, la tuberculose, les maladies à prion. Il est tout à fait remarquable que dans une maladie qui tue des milliers de patients dans le monde entier et qui paralyse pratiquement l'économie de pays entiers, on ne dispose que très peu de résultats d'autopsie. 6 patients en Chine. Du point de vue de la police des épidémies et de la communauté scientifique, les résultats des autopsies devraient susciter un intérêt particulièrement élevé. Or, c'est l'inverse qui se produit. Avez-vous peur de découvrir les véritables causes du décès de la personne testée positivement? Se pourrait-il que le nombre de décès par coronavirus fonde ensuite comme neige sous le soleil du printemps? En Italie, des experts russes ont constaté que des morts étranges dans des maisons de retraite en Lombardie Selon les rapports des journaux, plusieurs cas ont été enregistrés dans la ville de Gromot dans laquelle des personnes prétendument infectées par le coronavirus sont simplement endormies et ne se sont plus jamais réveillées. Jusqu'alors, aucun symptôme réel de la maladie n'avait été observé chez ces personnes décédées. Comme le directeur de la maison de la retraite l'a précisé plus tard dans une interview avec RIA Novostis, il n'est pas certain que des personnes décédées aient réellement été infectées par le coronavirus, car personne dans la maison n'avait été testé pour ce virus. Dans les maisons où les équipes médicales et infirmières de Russie travaillent, les couloirs et les chambres à coucher et les salles à manger sont désinfectées. Des cas similaires ont été signalés en Allemagne. Des patients soignés sans symptômes de maladie meurent soudainement dans la situation exceptionnelle actuelle et sont considérés comme des décès par coronavirus. Là encore, la question se pose sérieusement. Qui meurt du virus et qui meurt à cause des mesures parfois extrêmes? Soudos Zinkor rapporte. Dans toute l'Europe, la pandémie met en danger les soins aux personnes âgées à domicile parce que le personnel soignant ne peut leur rendre visite ou a quitté le pays concerné en toute hâte pour rentrer chez eux. Enfin, le Dr. J. Batarasha, professeur de médecine à Stanford, a accordé une interview d'une demi-heure dans laquelle il remet en question la sagesse conventionnelle concernant le COVID-19, les mesures existantes qui ont été décidées sur la base de données très incertaines et en partie douteuses. Bon, je vais arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté.